des vomis, des vomis, cotigeants, de police, cotigeants, des bagarres. Des lumières, cotigeants, des toilettes, cotigeants, des talons, cotigeants, des parfums, cotigeants, des robes noires, cotigeants, de marcher loin, cotigeants, des cauchemars, cotigeants, je me sens mal, je me sens mal. La paix sur la piste de Byzance. Les mecs lourdes. Coupe des coudes à la barre. Je me suis perdu. Tous sont mes amis. C'est dégueulasse. Des vomis, cotigeants, de police.